Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 22e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent de la librairie Facta. Vincent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes, disons-le, le continuateur d'Emmanuel Ratier, décédé le 19 août dernier. Oui, on peut dire ça. Après avoir été son bras droit durant presque 25 ans. C'est ça. Vous vous occupez donc de la rédaction de la Lettre confidentielle d'informations, faits et documents, qui est un journal bimensuel auquel on peut très facilement s'abonner en allant sur le site faitsetdocuments.com, rubrique abonnement. Vous vous occupez également de la librairie Facta, qui se situe... 4 rue de Clichy, Paris 9e. Voilà, dans laquelle on trouve de nombreux ouvrages d'intérêt, dont ceux, d'ailleurs, des éditions Contre-Culture, avec lesquelles vous êtes partenaire. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon co-animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation et également collaborateur de Vincent au sein de Faits et Documents. C'est bien ça, Xavier ? Exactement. Donc, chers auditeurs, nous avons avec nous les deux personnes les plus informées de France. Vincent, je vous pose la première question. Beaucoup de lecteurs disent ne pas avoir senti la différence entre les faits et documents d'avant et après le décès d'Emmanuel Ratier. Ce n'était pas un pari gagné d'avance. À quoi doit-on cette réussite ? Alors, le fait d'avoir été auprès d'Emmanuel depuis le numéro 1 de Faits et Documents, ça m'a permis d'apprendre et de voir comment il travaillait. Et donc, après son décès, c'est de se dire que j'avais peut-être la possibilité de faire pareil. Donc, ça a été, c'est toujours difficile. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas été évident. Mais je vous dis, le fait d'être proche de lui et d'avoir vu sa façon de travailler au jour le jour, donc ça m'a permis après d'essayer de faire pareil. Vous avez pu maintenir une continuité, notamment à travers le réseau d'informateurs que vous avez. Et Oui, heureusement. Avec Xavier, on participait déjà d'une certaine manière. Donc, et après, oui, on a sollicité les gens qui envoyaient des infos et ils ont répondu présents. Donc la transition s'est bien passée, Xavier. En termes de travail, on sait que Emmanuel Ratier était un travailleur acharné. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de devoir le remplacer ? C'est un travail quotidien, au jour le jour, qui est un travail très prenant, puisque c'est une parution bimensuelle. Donc il y a une lettre qui paraît tous les 15 jours, avec des informations exclusives ou quasi-exclusives, donc avec notamment des portraits détaillés, mais aussi des brèves qui concernent la politique, l'activité des lobbies, une page étranger, une page économie, et deux pages kiosques sur toutes les parutions, la vie des médias, et également une page politiquement incorrecte qui, pourrait-on dire, est plus « fun », entre guillemets. Donc oui, c'est un travail quotidien. Donc en fait, c'est un travail de veille. Donc il faut éplucher tous les journaux, toutes les revues, tout ce qui peut paraître. Et donc c'est un travail ingrat, parce qu'il faut analyser tout le journal officiel, éplucher tous les décrets, les nominations, et après aussi d'autres informations, les rumeurs. Donc au jour le jour, c'est un travail harassant. C'est-à-dire qu'il y a la presse papier, puis en plus il y a Internet, puis en plus il y a tout ce qui est officiel, et puis des fois il faut aller chercher l'information, des fois on nous la donne, c'est-à-dire que via le réseau d'informateurs dont on parlait. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais qui vaut la peine d'être fait, parce que le résultat est une espèce de photographie du paysage politique français tous les 15 jours. Alors, la publication de Faits et Documents ne s'est pas arrêtée depuis le décès d'Emmanuel Ratier. Vous avez traité de plusieurs sujets. Donc, on a repris début octobre. Donc, on a quand même eu un petit mois de le temps de s'adapter, d'avoir accès aux archives, de un peu voir ce qui était possible de faire. Bon, donc on a repris donc le rythme normal de la publication tous les 15 jours depuis début octobre. Donc, on a déjà fait 8 numéros. Donc le premier numéro, on avait fait Stéphane Sidbon-Gomez, le nouveau directeur de cabinet de Delphine Ernotte à France Télévisions. Donc quand on voit tout ce qui se passe, notamment en ce moment à France Télévisions, comme le départ de Julien Lepers parce qu'il fallait plus d'hommes blancs d'un certain âge, bah, quand on regarde la biographie de Stéphane Cidbon-Gomez qu'on vous invite à lire, eh ben, on a un éclairage sur tout ce qui est en train de se passer. Là, on a vu que, par exemple, Patrick Sébastien aurait moins d'heures d'antenne que Nagui ou Stéphane Bern. Bah, quand on comprend la mentalité, la vision du monde de gens comme Stéphane Cidbon-Gomez, eh ben, on a un éclairage particulier sur certains événements. Ensuite, on a fait Michel Onfray, donc sur deux numéros, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il n'avait jamais été traité par Emmanuel Ratier. Donc, et surtout avec l'actualité qu'on en a vu ces derniers temps, avec les interviews qu'il a données à la revue Éléments, qui a déchaîné beaucoup de gens, parce que voilà, il intervenait dans une revue dite de la Nouvelle Droite. Donc après, on a fait Tidjane Thiam. Voilà, qui est un des premiers Africains à rentrer au siècle, qui est un banquier qui a pris la direction du Crédit Suisse, qui est de la famille de Félix Houphouët-Boigny, donc qui est d'une puissante famille africaine, et qui est, je crois, hein, le premier Africain à rentrer au siècle, non ? Oui, il y avait Lionel Zinzou mais c'est surtout aussi, il a annoncé qu'il créait un Davos africain. Voilà. Donc c'est des gens intéressants. Donc c'est une personnalité à suivre. Ensuite, on a fait deux numéros sur les attentats, mais plus dans une optique de qu'est-ce qui allait en découler que sur les événements eux-mêmes. Voilà, avec un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas apparus, des éléments de contexte, et puis des éléments de voir l'impact que ça pouvait avoir à 2 ans de la présidentielle, l'impact sur les relations internationales, la géopolitique du Moyen-Orient, et puis aussi pour tout ce qui est la dissidence. Oui, comment ça allait nous retomber dessus, quoi. Les gens qui n'étaient pas vraiment alignés, quoi, étaient finalement visés par un argumentaire qui consistait à dire que c'est le complotisme qui menait au djihadisme, par conséquent, nous étions indirectement responsables. Donc on l'a vu notamment avec Gilles Clavreul, qui est le délégué auprès de Manuel Valls à l'antisémitisme, qui l'a dit sur Radio Nova, donc ça a été relayé notamment aussi sur Égalité et Réconciliation. Oui, surtout que ça allait on arriverait à museler Internet, les armes à feu, voilà, en gros, ça allait restreindre les libertés, quoi. Après, donc on a fait Glucksmann, donc le fils. Voilà, donc c'est aussi un portrait qu'on a justement dans le cadre de notre partenariat avec Égalité et Réconciliation qu'on publie aujourd'hui sur le site. C'est ça. Donc Raphaël Glucksmann, pourquoi Raphaël Glucksmann ? Parce que c'est un personnage intéressant. C'est plus que le fils de son père, c'est le successeur de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire qu'il va partout dans le monde où les intérêts américains sont en pointe et il déclenche des révolutions et se met au service de gouvernements pro-américains en jouant les intermédiaires. Voilà, donc c'est vraiment le successeur de Bernard-Henri Lévy. Je pense qu'on en a pour 40 ans. Et donc, on revient un peu sur ses origines familiales, notamment sur le parcours de son père, avec des éléments nouveaux qui sont parus, puisque son père a fait carrière dans notamment l'anticommunisme. Et on a appris récemment, en lisant un livre qui était paru en Allemagne au printemps dernier, qu'en fait, le père d'André Glucksmann était un agent, un super agent de la Troisième Internationale, du renseignement militaire soviétique. Comme interne. Et voilà, et qu'il était mort, en vérité, en déportation, après que les Anglais l'aient arrêté pour intelligence avec l'ennemi suite au pacte germano-soviétique, hein, puisque entre 1939, l'URSS et l'Allemagne nationale socialiste se sont alliés. Lui, à ce moment-là, Rubin Glucksmann, donc le grand-père de Raphaël Glucksmann, était en poste à Londres et il a été arrêté et déporté au Canada et il est mort lorsque le bateau qui le déportait... Pendant la traversée. Voilà. Donc c'est des éléments un peu qui vous raconteront pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont un peu qui permettent de donner un peu de substance au personnage et de voir comment cette intellocratie de gauche qui a toujours finalement été dans l'erreur et du bon côté du manche persiste encore aujourd'hui au bout de 3 générations et on en a encore pour un certain nombre d'années. Et toutes ces informations sont disponibles sur la biographie qui est diffusée actuellement sur le site Égalité et Réconciliation. Exactement. D'accord. Voilà, et donc là, le prochain numéro donc, qui sort demain, pour le 1er février, donc là, on continue le Club des 100. Donc en fait, Emmanuel Ratier avait commencé les biographies des membres du Club des 100. Donc il s'était arrêté, je ne sais plus, à la lettre M. Oui ou... Bon bref, et donc nous on reprend là où il s'est arrêté. Donc c'est Jean-Marie Messier qui ouvre les quelques bios du Club des 100. Voilà, donc c'est un peu sur le modèle... du club Le Siècle, bon, bien que ce soit un club sensiblement différent, parce que déjà il y a moins de membres, c'est un club qui est plus, qui est moins intéressé que Le Siècle, d'une certaine manière. Oui, mais c'est quand même un club où un certain pouvoir se rencontre. Donc, un certain pouvoir même se si rencontre. C'est autour de la gastronomie, c'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que les gens se cooptent entre eux, il faut des parrains, donc il y a quand même ce côté club select. Donc c'est un club assez secret quand même, hein. Il y a très peu d'informations sur ce club. Donc on dévoile la liste des membres de ce club. Alors c'est très varié, hein. Ça va de Pierre Arditi à Philippe Bouvard, en passant par des grands banquiers comme Michel David Veil. Donc dans le numéro en question, on a actualisé la biographie de Jean-Marie Messier, donc c'est tout le parcours de Jean-Marie Messier depuis 2005, parce qu'on le croyait mort et enterré, et puis finalement on se rend compte qu'il est toujours bien vivant, pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc voilà, et puis des personnages de l'ombre, comme Serge Michel, qui est une personnalité centrale du BTP en France, dont on propose une biographie et d'autres encore. Donc c'est un travail réellement colossal. Et puis vous parlez également de questions plus d'actualité. On pourra retrouver sur le prochain fait document le tweet effarant de Caroline De Haas. Ceux qui me disent que les agressions sexuelles en Allemagne sont dues à l'arrivée des migrants, allez déverser votre merde raciste ailleurs. Donc qui montre ce tweet la déconnexion totale de la gauche antiraciste avec ce que ressent le peuple. On a vu encore dernièrement sur Internet l'agression violente de deux Calaisiens par une horde d'antifascistes et de migrants. Ces faits, à faits et documents, vous les rapportez, mais comment vous les interprétez, Xavier ? C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'avoir un angle un petit peu qui donne du contenu. C'est-à-dire que si on était dans une publication comme sur un site Internet qui soit hebdomadaire, on pourrait relayer le fait tel qu'il est. Or, nous, comme c'est quand même une publication bimensuelle, on essaye de mettre ces informations-là en perspective. C'est-à-dire que le tweet de Caroline De Haas intervient à un moment donc, où il y a les agressions de Cologne. Et qu'est-ce qu'il vient montrer ? Il vient montrer que cette extrême-gauche se retrouve face au réel et a les fils qui se touchent. Et en même temps, cette extrême-gauche se retrouve dans un angle mort politique, puisque le pouvoir socialiste a résolument... tourner cette page de l'excuse et de tout ce qui faisait cette complaisance. Hein. Et là, la démission de Taubira, d'ailleurs, est aussi un symbole. C'est-à-dire qu'on avait fait de Taubira ce symbole de la gauche au moment du mariage pour tous. Et puis maintenant qu'on passe à l'état d'urgence, finalement, elle ne se sentait plus bien au sein de ce gouvernement. Et sa ligne politique n'est plus valide au sein des instances dirigeantes. Et donc, du coup, ce tweet de Caroline De Haas, oui, on l'a mis parce qu'elle est en train d'organiser à l'extrême gauche. Les réseaux d'extrême gauche sont en train de s'organiser, notamment, je crois, avec... Elliot Lepers. Elliot Lepers, qui est le fils de Jean-Paul Lepers, et Arnaud Champremier Trigano, donc, qui est le neveu du fondateur du Club Med, qui est par ailleurs le petit copain de la fille de Wolinski. Alors voilà, c'est ça aussi fait document, c'est le travail sur les réseaux. Donc, sont en train de créer un pôle, si vous voulez, à l'extrême gauche pour pouvoir occuper cet espace politique un petit peu vacant. Et donc, du coup, on avait mis ce tweet pour montrer la déconnexion totale avec les préoccupations des Français. Et tu parlais également... de cette affaire à Calais de manifestants, par exemple dans Fait et Documents, on va pas dire il y avait une manifestation à Calais. Je veux dire, tout le monde l'a vu sur Internet, tout le monde a vu la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que au moment où il y avait cette manifestation, au moment où ça dégénérait entre des riverains et des militants du NPA qui encadraient les manifestants, voilà, au ça, même faut moment, rappeler, parce que voilà, je pense que l'extrême gauche est en train là de se reconstruire sur le dos des migrants, et voilà, comme ils font toujours. Et donc pendant ce temps-là, la maire de Calais, qui est maire Les Républicains, donc de droite. Natacha Bouchard. Et qui est vice-présidente, Du conseil régional. Du Nord, c'est-à-dire... Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Qui est une des adjoints de Xavier Bertrand, était en train d'assister à la remise d'un chèque de 50 000 euros par le grand maître du Grand Orient. À l'amphithéâtre municipal. À des associations de migrants. Donc c'est vraiment, voilà. Donc c'est à ça que ça sert, les documents. Ça sert à s'amuser un peu, notamment sur voilà, les réseaux de pouvoir, ce qui se passe un peu dans l'ombre, derrière les événements qui sont filmés. On essaye un peu de retourner la caméra, en quelque sorte, et de montrer celui qui filme. C'est ça, c'est un point qui est peu abordé, mais en réalité, la lecture de faits documents est très agréable, parce qu'en fait, c'est drôle. En fait, c'est des petits. C'est constitué de portraits ou de dossiers, mais après, à l'intérieur, c'est des petits. Nous, on appelle ça des échos. Donc, c'est des faits, des documents. C'est un petit écho de 3, 4, 5 lignes répétées comme ça sur la page. Donc, oui, on va pas dire que c'est des potins non plus, parce que c'est quand même des vrais faits. Mais voilà, c'est d'une lecture, on va dire, assez agréable. Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Xavier. Dans les cercles de pouvoir, l'idéologie antiraciste est en recul. Notamment sur la question de l'islam. Et c'est une question qu'on a déjà en partie abordée. Mais ce qui se passe en ce moment, notamment entre l'Observatoire de la laïcité, qui est une instance qui est sous contrôle de Manuel Valls, qui est dirigée par un socialiste qui s'appelle Jean-Louis Bianco, a remis un rapport sur la laïcité en expliquant grosso modo qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça de laïcité, notamment vis-à-vis de l'islam à l'université, et que c'était les médias qui en faisaient trop. Or, le comité de laïcité de République... Oui, qui est un paravent du Grand Orient. Voilà. Pour dire, en un mot, commençant à gueuler, pour dire que c'était pas possible de faire des rapports comme ça. Elisabeth Badinter, qui est très liée au comité de laïcité de République, a dit sur France Inter, donc ça, cette phrase a été assez relayée, a fait beaucoup de bruit, qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Imaginez qu'Elisabeth Badinter dise « il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'antisémite ». Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Donc, a dit ça en visant l'Observatoire de la laïcité. Emmanuel Valls, devant le CRIF, le 18 janvier, a pris position pour Elisabeth Badinter, contre l'instance qu'il contrôle pourtant. Donc c'est une espèce de mini-révolution qui est en train de se passer à gauche, et c'est tout l'objet du débat entre Alain Finkielkraut et Daniel Cohn-Bendit, qu'on a vu sur France 2, dans Des paroles et des actes. Alors justement, est-ce que vous avez compris, non? Compris quoi? Non, pendant le débat, je dis, ils ont parlé une autre langue. Voilà, c'est ça, c'est justement de ça dont je voulais parler. Et on a vu un échange absolument hallucinant entre ces deux personnages en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, Xavier, exactement? Et qu'est-ce que ça voulait dire, le fait qu'ils se parlent en hébreu, à ce moment-là? Alors, déjà, ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est que c'est un débat qui est annoncé comme un duel au sommet, si on veut. C'est un peu le tapis Le Pen de Paul Amar, si on veut. Donc, c'est annoncé comme un duel au sommet entre le leader de mai 68, qui incarne l'extrême gauche, et l'académicien qui incarne la défense de la langue française, de la tradition française, qui serait Alain Finkielkraut. Bon, il se trouve qu'ils sont tous les deux juifs, hein, un allemand et puis l'autre d'origine polonaise. Ils s'en cachent pas. D'ailleurs, ils se sont tutoyés tout le débat. On voyait très bien qu'ils se connaissaient. Dès qu'ils pouvaient dire qu'ils étaient d'accord les uns avec les autres. D'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit a sans cesse rappelé qu'il était d'accord avec Alain Finkielkraut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, Alain Finkielkraut arrive quand même à faire une belle tirade sur la France. Et à ce moment-là, Daniel Cohn-Bendit le coupe et lui dit « Mais si je peux continuer ma phrase ?» Et puis là, se met à lui parler en hébreu, l'air de dire « Enfin, rappelle-toi qui tu es, quoi, arrête de te la jouer, bon français, et ainsi de suite. » Et donc, il lui dit « Todaraba, merci, Bevakasha, de rien. » Et l'autre lui répond « Leiharot, ça veut dire à la prochaine. » Ouais, au revoir. Quoi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que... C'est ridicule. Oui, c'est ridicule, oui, un peu. Mais puis surtout que c'est le côté sans gêne de Daniel Cohn-Bendit, quand même. Hein. Il est coutumier, quoi. C'est-à-dire d'arriver sur les plateaux, d'écarter les jambes, quand il avait dit qu'il avait fumé du hashish avant de venir, qu'il aimait bien les petits-enfants, et ainsi de suite. Donc c'est un peu son côté de cette bourgeoisie cosmopolite très sans gêne, finalement, hein, qu'on retrouve dans cet échange. Et d'ailleurs, D'ailleurs, David Pujadas était extrêmement gêné, quoi. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait que 2,2 millions de téléspectateurs parce que ce genre de débat truqué n'attire plus les masses non plus, quoi. C'est quand même... Tout le monde a un peu identifié que c'était comme du catch, quoi. C'est, ils font semblant de se donner des coups. Et alors, on a vu également au cours de cette émission un clash qui a fait la une... Dans les journaux, c'est le clash entre Finkielkraut et une certaine William Berouma. Mais cette personne, alors en se renseignant, je me suis rendu compte qu'elle était de l'organisation de la manifestation où tu t'étais fait tabasser. La manif pour la dignité. Voilà. Donc, encore une fois, pour interpeller Alain Finkielkraut, et d'ailleurs son accusation sur le débat, puisqu'elle assiste au débat, et puis elle leur dit « mais ce débat attise la haine, finalement, c'est-à-dire que ce débat provoque la guerre civile », qui est une accusation assez légitime, et qui ressort du visionnage de ce débat. Mais elle le dit sur un ton tellement agressif et ainsi de suite, donc c'est ces indigènes de la République donc, qui t'avaient attaqué et on renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on avait enregistrée, je crois l'émission du 12 novembre. C'est ça, avec Alain Soral. Avec les enregistrements des manifestants qui étaient du même acabit que cette William William Berouma. Mais a priori, c'était préparé parce qu'il y a un tweet qui a été fait par une journaliste un petit peu avant la tirade là et où elle disait en gros attention, préparez-vous, ça va, il va se passer quelque chose. Donc en fait, l'intervention, à mon avis, avait été calibrée, quoi, pesée et calibrée. Alors, je reviens sur un autre fait médiatique dont tu as parlé tout à l'heure, Xavier. C'est la démission de Christiane Taubira la semaine dernière. Donc, on l'a vu à la règle du jeu aux côtés de Bernard-Henri Lévy, qui la veut comme nouvelle Marianne. On a l'impression que les médias la présentent comme une sorte d'idole républicaine. Comment a fait les documents vous interprétez cette démission et le traitement médiatique de cette démission ? Non, mais ce qui est intéressant avec Christiane Taubira, c'est que ça avait été l'idole d'une certaine gauche au moment du mariage pour tous, et que les temps changeant à la faveur de notamment de l'état d'urgence, elle commençait à devenir gênante. Alors après, elle reste la coqueluche, voilà, d'une certaine gauche. Tu l'as rappelé qu'elle participait à des séminaires de la règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Elle reste l'égérie d'une certaine gauche germano-pratine, antiraciste, parce que noire, parce que femme. Parce qu'elle déteste la France. Hein. Non, il y a quand même de ça. C'est aussi une des dernières représentantes des radicaux, ce qu'on appelait les radicaux de gauche. Donc, comme le PS explose, ils cherchent encore quelques soutiens qu'ils n'ont plus ailleurs. Quoi. Et alors, apparemment, au gouvernement, ils n'en pouvaient plus. Et en fait, elle utilisait la menace, notamment la menace de refaire le coup de 2002, où avec ses 2%, elle avait largement plombé la candidature de Lionel Jospin. Alors, son successeur, Jean-Jacques Urvoas, qui est un proche de Manuel Valls, qui est encore un breton, hein, il y a une vraie présence bretonne au sein du gouvernement. Bah, faut peut-être voir les résultats des dernières élections régionales. Je pense que c'est la seule région qui a massivement voté à gauche. Donc, ils ont encore quelques leaders là-bas. Voilà, donc, et puis qui va, je pense, durcir, serrer un peu la vis au niveau de tout ce qui est de toutes les problématiques numériques, je pense, notamment. Ah, bah, c'était déjà son créneau. C'est son cheval de bataille. Donc, on peut se réjouir du départ de Christiane Taubira, mais ceux qui suivent ne sont pas nécessairement meilleurs. Voilà. Donc, il faudra lire Faits et Documents. Voilà. Donc, le prochain. Parce qu'évidemment, comme faisait Ratier, on fera le portrait de Jean-Jacques Urvoas. Très bien. Alors, dans Faits et Documents, il y a une rubrique passionnante, je dois bien le dire. C'est la rubrique kiosque, où vous indiquez l'ensemble des sorties des deux dernières semaines ou du mois précédent. Oui, c'est ça. C'est l'actualité à la fois littéraire, les expositions, quelques nominations dans ces domaines-là, des médias, des... un peu la presse, voilà, donc c'est... Alors il y a deux pages kiosque, oui. Et alors il y a une sortie dont on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui, c'est la sortie de Mein Kampf, qui est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2016, il sera publié aux éditions Fayard notamment. Je crois savoir que vous vendiez déjà des exemplaires de cet ouvrage à la librairie Facta. Ah oui, oui, de toute façon, il y a toujours eu une édition, donc, mais aux nouvelles éditions latines, mm-hmm. qui de tête est publiée depuis 1934. Donc, et c'était la seule, et c'est toujours la seule édition française officielle. Mais celle de Fayard, après, finalement, ne sortira pas avant 2018. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait rajouter des annexes, des notes, des explications. Et donc, ils allaient utiliser l'édition allemande là, qui vient de paraître. Mais le temps de l'adapter, de la traduire, tout ça, ça reprendrait encore presque 2 ans. Donc, pour l'instant, la seule version française, c'est toujours celle des nouvelles éditions latines. Est-ce que cette version se vend bien ? Ah oui, oui, oui, mais c'est toujours bien vendu. Mais je veux dire que l'acheteur, c'est des étudiants, des universitaires, des voilà, c'est pas forcément des gens, des néo-nazis ou des. C'est un livre qu'il faut entre guillemets qu'il faut lire puisque faut que chacun se fasse son avis. Il paraît que ça se vend beaucoup mieux que le dernier ouvrage de Manuel Valls, L'exigence. Ah ben oui, oui, je crois que Manuel Valls en a vendu 410. Et voilà. Je crois qu'aux nouvelles éditions latines, ils en vendent quelques milliers par an. Malgré les coups de menton, il n'arrive pas à égaler... 410 exemplaires vendus du livre du Premier ministre français. C'est absolument extraordinaire. Peut-être que dans 70 ans, on se demandera... va-t-on rééditer l'exigence ? Alors, il faudra mettre des notes oui. de bas de page. Pour expliquer le contexte. Et donc justement sur Mein Kampf, vous faites part dans le fait et document qui va sortir lundi, de problèmes de traduction ? Oui, bah alors on peut revenir sur la... En fait, donc Mein Kampf est dans le domaine public depuis le 1er janvier 2016. Donc, alors après, la grande question, c'était de savoir qui le rééditera, comment, avec que le texte, ou alors avec des notes, des annotations. Donc, en Allemagne, ils ont fait fort, entre guillemets, ils ont publié, donc ils ont refait l'édition comme la première, donc en 2 volumes. Mais en Allemagne, là, bon, là devait faire 800 pages. Donc là, en Allemagne, il y a une version qui est sortie qui fait 2000 pages. Donc, il y a beaucoup de notes, beaucoup d'explications, voilà. Et la grande surprise, ça a été, c'est qu'ils ont eu 15 000 précommandes, alors qu'ils voulaient faire un tirage de 4 000 exemplaires. Donc, c'est déjà les grands cris en disant qu'il y a 15 000 néo-nazis en Allemagne, alors que c'est pas le cas. Après recoupement, ils se rendent compte que dans les librairies allemandes, les gens qui le commandent, c'est pas un profil de néo-nazis. Et donc, en France, donc l'adaptation en France, elle s'est trouvée compliquée aussi, parce que tout le monde s'est dit, est-ce qu'on fait juste une traduction, une nouvelle traduction ? Donc, qui est quand même. Parce que, ce qui se disait, c'est que la première traduction, donc aux nouvelles éditions latines, il y avait peut-être quelques. Alors, je ne vais pas dire que c'était on ne peut pas dire une mauvaise traduction, ce n'est pas vrai. C'est que c'est une interprétation. Le traducteur, lui, interprète le mot, parce qu'il y a des mots allemands qui sont difficilement traduisibles. Et donc le mot qui posait surtout problème, c'était le mot völkisch, qui avait été traduit, donc dans la version française, par raciste. Ou racisme, quoi, ça dépend la phrase, et donc, et qui en allemand n'a pas cette notion-là, donc qui a une notion plus vaste. Oui, c'est un peu comme le terme Heimat, voilà. Qui désigne à la fois le village, la mère patrie et le paradis. C'est des mots, en fait, les mots allemands sont des concepts beaucoup plus que les mots français, en vérité. C'est ça, et en l'occurrence, là, le traducteur a traduit Völkisch par le mot ethno-naturalisme. Oui, maintenant, voilà. Donc c'est un peu... Bah pour le coup, c'est l'excès inverse. Quoi. C'est raciste, c'était réducteur. Là, c'est un peu vague. Un peu quoi. Fou, ouais. Ethno-écologisme. Mais cela dit, c'est pas... Mein Kampf n'est pas le seul ouvrage. Il y a eu l'exemple de la réédition... Oui, des décombres. De Rebattet. Chez Bouquin. Récemment. Donc en même temps, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'on observe que c'est un bon filon. Là, on arrive 70 ans après la guerre. Énormément d'ouvrages rentrent dans le domaine public, sont rééditables. En même temps, l'édition est un secteur qui est quand même un petit peu en crise. Et cet aspect sulfureux... Oui, finalement, les dérange pas. Parce que rééditer les décombres... parce que même Pauvert, en 76, avait... Et d'ailleurs, même avec l'accord de Rebattet lui-même, avait retiré les 120 dernières pages, qui étaient quand même un peu plus... avec des termes, on va dire, qui pouvaient choquer. Et bien là, Bouquin le reprend, certes, en mettant des notes. Mais je pense que les gens sont assez grands pour se faire un avis, remettre dans le contexte, et de se dire, voilà, un texte qui paraît en 1942, il n'y a pas eu... maintenant, il y a le recul. Peut-être que la surabondance de notes sera même peut-être contre-productive. Après, faut voir. Il y a des notes qui expliquent, par exemple, il y a eu la même chose pour les pamphlets de Céline dans la version québécoise, où ça apporte un plus. Parce que dedans, des fois, les auteurs citent des marques, des noms, des gens qu'on n'a pas connus. Donc, c'est bien d'avoir en bas de page une note qui vous explique qui était la personne ou que c'était, par exemple, une marque d'un produit de l'époque qui a disparu. Donc, mais après, si c'est juste pour dire les heures les plus sombres... Voilà, je pense que les gens sont assez grands pour... Mais a priori, non. Il faut encadrer les gens, il faut leur tenir la main. Et ils pourront de toute façon accompagner la lecture de Mein Kampf par la lecture d'un autre livre qui va tomber dans le domaine public, qui est le journal d'Anne Frank. Mais c'est pas sûr, je crois. Ah bon? Je crois qu'il y a toujours un... oui, parce qu'ils ont joué sur le fait que ça avait été réécrit, qu'il y avait des choses qui avaient été ajoutées, donc qui repoussaient le... Ah, il y a des choses qui ont été ajoutées. Ah ben, a priori, oui, si j'ai bien suivi l'affaire. Alors, il y a une autre page qui est aussi assez impressionnante par son contenu, c'est la page économie. Alors, Xavier, c'est dû à quoi ? Tu es économiste, en réalité ? Alors, non, celui qui la réalise n'est pas autour de cette table. On le remercie vraiment parce que c'est effectivement de très, très haute tenue et pour cause... il travaille dans ce genre de secteur, donc c'est prospère, il se reconnaîtra et on le remercie vraiment pour ces informations qui sont à chaque fois aussi surprenantes que centrales. Oui, c'est surtout un angle très concret, c'est l'économie concrète. Par exemple, publier les indices pour les transports de matières premières, des choses comme ça rend vraiment compte de l'actualité... comment je pourrais dire l'économie réelle, quoi. C'est-à-dire que si les bateaux sont vides, c'est que ça va pas, quoi. Donc, voilà, c'est-à-dire c'est pas du blabla, quoi. C'est vraiment un indice du concret. Très, très intéressant. Donc c'est aborder l'économie avec un angle comme ça vraiment concret par rapport à d'autres choses. C'est pas voilà. Et puis toujours avec cet esprit de synthèse qui caractérise Faits et Documents. D'ailleurs, je crois savoir que c'est une contrainte qui est quand même très importante pour toi, Xavier, dans l'écriture notamment de certains articles. C'est le défi qu'on a, d'un sens. C'est-à-dire que dans Faits et Documents, le but, c'est quand même d'avoir une information par mot. Et donc d'être le plus synthétique possible, c'est-à-dire qu'on ne tire pas à la ligne, c'est-à-dire que s'il reste trois lignes, on ne peut pas allonger les autres échos jusqu'à ce qu'on ait les trois lignes, il nous faut un écho de trois lignes supplémentaires, donc on repart à la chasse aux informations, et on essaye d'en mettre le plus possible pour avoir, comme je l'ai dit, un instantané tous les 15 jours du paysage politique français à 380 degrés. Oui, et d'être le plus juste possible. Moi je fais très attention à ce que tout soit vraiment juste, c'est-à-dire les noms, les fonctions, que ça soit vraiment au plus juste. Voilà. Je pense que la marque de Faits et Documents, c'est ça. Donc vous êtes vraiment dans la continuité du travail d'Emmanuel Ratier. Oui, qui a toujours eu cette rigueur... de bien montrer les faits. Voilà, c'est pour ça, Faits et Documents. Voilà. Je pense que le titre était excellent. On va droit au but, quoi. C'est pas du blabla, c'est qui, quoi, comment. Voilà, et je pense que c'est ce qui manque à l'heure actuelle, enfin, ce qui fait défaut dans les autres journaux. Et notamment, si des jeunes lisent Faits et Documents, c'est une formation, bon, j'en étais l'exemple, c'est-à-dire que c'est une formation à la fois intellectuelle et politique qui permet presque, je dirais, une initiation. C'est-à-dire que quelqu'un qui lit Faits et Documents à 18 ans, il gagne 10 ans de maturité politique par rapport à, ou 20 ans même, par rapport à quelqu'un qui ne le lirait pas et qui resterait sur la télé au pire des cas, ou même avec une consommation internet de façade. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose qui va en profondeur et qui permet d'analyser les mouvements de fond, les enjeux de fond, et d'avoir, en quelque sorte, il faut le dire, un coup d'avance sur ce qui va se passer. Alors justement, moi je voulais parler un peu aussi de vos concurrents, vous, depuis Faits et Documents. Comment vous voyez, par exemple, un autre journal comme Le Canard Enchaîné, dont on dit qu'il est très bien informé. Vous, de votre point de vue, quand vous le lisez, vous ressentez quoi ? Le Canard Enchaîné a des informations, mais moi je pense que nous, on apporte toujours quelque chose en plus. Je ne sais pas comment dire, c'est pas... eux vont donner plus des anecdotes, voyez, des bruits de couloir. Moi, je vois le plus voilà, Le Canard Enchaîné comme ça. C'est l'association de la presse présidentielle. Si vous voulez, ils mangent avec les ministres. Alors, ils vont avoir le bon mot du ministre. Mais est-ce que cette information apporte réellement quelque chose ? Alors, en plus, bon, alors c'est une institution, Le Canard Enchaîné. C'est un journal qui va avoir 100 ans cette année, je crois. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté institution. Les gens le reçoivent le mercredi. Mais en soi, honnêtement, il n'y a quand même pas oui, grand-chose. Oui, il y a quelques petits... il y a des infos, puisque les gens se confident. Mais je trouve que nous, dans Faits et Documents, on recoupe toujours avec quelque chose. Je ne sais pas comment dire, on apporte toujours... Par exemple, on peut avoir la même info que Le Canard Enchaîné, mais nous, on apportera un recoupement par rapport aux gens, par rapport... alors, je ne vais pas dire qu'on fait du people, mais c'est très important. Parce que là, je vois tout à l'heure, on parlait par exemple de Glucksmann. C'est comme Bourdieu, là, avec les histoires de fils et filles d'eux. Ce que lui appelait la reproduction des élites. Les héritiers. Nous, voilà, reproduction des élites, je crois qu'il utilisait. Nous on est un peu dans ce domaine-là, c'est-à-dire on montre qu'il y a une nouvelle aristocratie, quoi, que c'est toujours les mêmes, les fils d'eux, ils se marient entre eux, et on montre ça, je dis. Ça c'est très important, parce que voilà. C'est exactement ça qu'on ressent à la lecture de Faits et Documents. Et on parlait tout à l'heure de Stéphane Sidbon Gomez, et c'est quelqu'un dont Emmanuel avait déjà fait la bio du grand-père qui était journaliste au Nouvel Obs, la bio du père qui avait financé notamment la carrière de Frédéric Taddeï à ses débuts, ainsi de suite. Alors, pour le coup, Onfray était un peu un ovni, parce qu'on a aussi fait un énorme dossier sur Michel Onfray, parce que justement, c'est le provincial plutôt anarchisant, de gauche, un peu à la Brassens, quoi, qui s'est fait tout seul, qui se passionne pour la philosophie, puis qui monte à Paris et qui va se rendre compte des vrais... Des vrais rapports de force. Et qu'il n'est pas si libre que ça, finalement. Et qu'il n'est pas si libre, et qui, au fur et à mesure, va devenir pratiquement une personnalité réactionnaire, avec des idées que ne rejetteraient pas la plupart des électeurs Front National. Donc c'est aussi ça le parcours d'Onfray, c'est un provincial de gauche plein d'idéalisme qui confronté au réel, change complètement de braquet. Donc c'est tous ces petits détails qu'on va raconter, tout l'aspect financier des choses aussi, comment les gens financent leurs structures, leurs associations, les subventions, c'est-à-dire que qui paye qui couche avec qui, en vérité, c'est ça les deux vraies Bien questions. Et là, on revient sur ce que je disais en préambule, c'est que c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il faut, nous, on épluche tout ça, les subventions, c'est un travail, je dis, de chaque instant. En réalité, vous mettez à nu l'oligarchie contre laquelle l'extrême-gauche prétend... L'extrême-gauche, pour la révolution... En fait, le travail pognon, que devrait faire l'extrême-gauche. Oui, voilà. Mais bon, enfin, au point où on est l'extrême-gauche, on ne sait même pas si elle existe encore, s'ils ont conscience de quelque chose, non. Non, c'est vrai qu'on fait le travail que tu le rappelais, que prétend faire Bourdieu. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'on est un peu dans cet héritage... Et c'est souvent que d'ailleurs des gens de gauche qui lisent la lettre se retrouvent assez gênés parce qu'ils se disent tiens, bah, c'est anti-libéral, ils vont retrouver des informations qui en fait les intéressent. Non, puis surtout tout ce qu'on dit est vrai, donc après la vérité elle est... Et dérangeante. Voilà, et dérangeante. Je dis, quand on fait un portrait, si on dit il a fait ci, il a fait ça, il n'y a rien à dire. Je dis, c'est pas... Après c'est l'utilisation qui peut en être faite, c'est la seule chose qui peut nous séparer. Mais l'info est l'info, quoi. Je dis, quand on fait la filiation, filiation de quelqu'un, son parcours, c'est, s'il a changé. Voilà, donc ça c'est universel. Voilà. Mais en fait, moi, c'est ce que m'avait appris Emmanuel Ratier, c'est que, en fait, on tire le fil. Ouais, on a un fil, et nous, on tire le fil pour dérouler la pelote, et tout vient. Voilà, je dis, mais c'est un vrai travail. Je dis, franchement, ça paraît simple comme ça à raconter, mais c'est vraiment très difficile. Je dis, tous les jours, tout lire, tout découper, tout classer, tout trier. Parce qu'après, il y a aussi un travail d'archivage. C'est que si demain, on dit, tiens, on va faire... par exemple, le prochain numéro, il y a un numéro qui sort là, avec le Club des 100, mais on est déjà en train de rédiger le prochain, donc celui du 15 février. Donc on a dit qu'on ferait Jean-Jacques Urvoas. Mais par exemple, pour Urvoas, il faut... Heureusement qu'Emmanuel Ratier avait déjà 20 ans, 30 ans de documentation, parce que on claque pas des doigts et on n'a pas 20 ans, 30 ans de documentation sur Urvoas, même grâce à Internet. Donc déjà, on bénéficie de toute la documentation de Ratier, et ça on l'en remercie, parce que en fait il a créé quelque chose de, je veux dire, d'exceptionnel. Même dans les grands journaux, ils n'ont plus de documentation. Moi, je me souviens, il y a déjà plus de 10 ans, avec Emmanuel, on avait appris ça, c'est que même dans les journaux, ils avaient pas jeté, mais en fait ils externalisent leur documentation, c'est-à-dire que même eux n'en ont plus, quoi. Donc après, faut pas être étonné qu'il y ait pas d'articles avec plein d'informations, et parce qu'il travaille à partir de rien. Et c'est la mise à jour de cette documentation qui représente d'ailleurs la plus grosse partie du travail. C'est-à-dire, c'est une lecture de la presse tous les jours, découper les articles par personnalité, les classer dans la documentation, éplucher le journal officiel, un certain nombre de publications confidentielles que les gens connaissent moins, je pense en particulier au bulletin quotidien ou à ce genre de publications que les gens ne lisent pas, tout simplement pour des raisons de coût. Hein. Donc, pour pouvoir produire une information de qualité, notamment via ces portraits détaillés, parce qu'une information n'a de sens que si elle est mise en perspective avec d'autres informations. Et comme tu l'as rappelé, pour ça, il faut défaire la pelote. Oui, pour défaire la pelote, il faut déjà avoir des connaissances, parce qu'il faut aussi connaître les milieux, les réseaux, pour associer les gens. Parce que des fois, sur le coup, on n'y pense pas. Et puis après, en tirant le fil, on dit « Ah mais tiens, en fait, ils étaient peut-être à Sciences Po ensemble, ils étaient peut-être à l'ENA ensemble, voilà, où ils sont voisins, où ils fréquentent les mêmes clubs, les mêmes soirées, les mêmes dîners, les mêmes loges. » Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la revue Faits et Documents sur le site faitsetdocuments.com, rubrique abonnement. D'ailleurs, je crois savoir que les tarifs sont très intéressants, Vincent. Alors, le tarif, c'est 80 € pour 21 numéros. C'est pas un abonnement annuel, c'est 21 numéros. Donc, ça revient à 3,50 €. Voilà, ce qui est l'équivalent. Tous les 15 jours, je pense que c'est pas cher payé pour la masse d'informations par chaque numéro. Et puis, pour nos auditeurs qui voudraient se faire une idée du contenu de la revue, nous les invitons à aller consulter les biographies qui sont disponibles sur le site d'Égalité et Réconciliation, et notamment la dernière. Celle de Raphaël Luxman, donc en ligne pendant que vous écoutez cette émission. Donc, Faits et Documents, donc, est une revue qui a aussi besoin d'informateurs. Donc, j'appelle donc les auditeurs, si des gens ont des documents, des informations, donc n'hésitez pas à nous joindre, donc soit directement à la librairie Facta, donc comme j'y suis, donc vous pourrez me voir, ou par mail, donc librairiefacta@wanadoo.fr. Donc j'invite les gens, si vous pensez avoir des documents, des infos, nous on est preneurs, voilà. Je remercie par avance les gens qui nous envoient déjà des documents. Par exemple, je donne un exemple, pour les élections, on est toujours content d'avoir les professions de foi, des candidats, les listes, parce que, étant nous à Paris, on n'a pas forcément accès aux documents. Parce que, comme j'explique toujours, les documents, on peut les avoir sur Internet, mais c'est toujours bien d'avoir le papier, le vrai document, parce que ça fait, entre guillemets, plus preuve, quoi. Moi, nous, on aime bien illustré par un vrai document et pas par une copie d'écran. Voilà. Donc j'appelle les auditeurs à nous aider de leur possible. Quoi. Et vous vous trouvez donc, je le rappelle, à 4 rue de Clichy, à Paris. Voilà, donc la librairie Facta est avant tout une librairie d'occasion, sur plein de thèmes, et donc un petit peu aussi de livres neufs, dont nous diffusons Contre-Culture, Le Retour aux Sources, voilà, d'autres éditeurs amis, et donc on est ouvert du mardi au samedi, de midi à 19h. Vincent, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Alors Xavier, c'était vraiment absolument passionnant. Moi j'ai une idée qui me vient, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Pourquoi ne ferions-nous pas finalement une émission comme ça, par exemple une fois par mois, sur l'actualité, une émission ER Faits et Documents ? Pourquoi pas, l'idée est lancée. Ouais. Très bien, c'est sur cette idée que nous allons nous quitter. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Mota. Son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Marche pour la Grande Armée, opus 28. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.